Galaxy. La radio des tribus électroniques. Électronique. Galaxy Radio. Oui, enfin. Pas toi? Ah, pas cette année, non. On a choisi d'acheter un poêle à pellets pour faire des économies de chauffage, donc pas de vacances. Ah bon? Nous aussi, on a acheté un poêle, chez Chauffage Ferret à Tourcoing. Il double la prime coup de pouce, alors on va pas se priver pour partir. Chauffage Ferret double la prime coup de pouce sur les poêles, cumulable avec ma prime Rénov. Économisez jusqu'à 4000 euros. Chauffage Ferret, poêle à bois, à pellets et convecteur à gaz, à votre service depuis 1927. 2 rue de l'Aubel à Tourcoing et au 0320 26 42 62. Conditions sur chauffage-ferret.fr. Chez Conforama, on pense à ceux qui ne passent jamais leur tour pour les bonnes affaires de rentrée. Avec le lave-linge Candy 8 kg, 1200 tours minute, classe B, à 299,99€. Soit 70 euros de remise. Conforama, jusqu'au 4 septembre, voir conditions sur Conforama.fr. Il était une fois un géant, exigeant, qui n'aimait que ce qui était grand, comme lui. Jusqu'au jour où il trouva les abricots Origine France, labellisés verger éco-responsables à 2,65€ la barquette de 1 kg chez Aldi. Depuis, il aime aussi beaucoup les petits prix.

Galaxy Radio. Nouveauté. C'est une nouveauté. Nouveauté. Galaxy Radio. There's no way that I'm leaving now. Take a look around. We're all here feeling fly and foul. It looks so real, I made you with my mind. Do something for me. You're your own man, so you don't follow me. Now I'm holding on. Tonight's the truth, tonight is you. Baby, oh, c'est différent, ça s'entend. A girl finds in a blue moon. You got soul, you got class, you got style.

J'écoute Galaxy pour son programme musical comme des milliers d'auditeurs. Ceux qui écoutent Galaxy sortent, bougent, achètent et consomment. Galaxy est unique. La radio, c'est le média de la maison, de la voiture, du boulot. On va même jusque dans la salle de bain. Si c'est facile d'écouter, ce sera facile d'être entendu. Artisans, commerçants, organisateurs d'événements, Galaxy est l'endroit idéal pour vous faire entendre. Appelez le 0320 71 50 05 et offrez-vous une véritable visibilité. 0320 71 50 05. À bientôt sur Galaxy. Galaxy. L'esprit électronique. young people like myself, we listen to everything anybody told us. Everybody, whether you like it or not, you listen to it. You analyze it. You take what you want and leave the rest of it alone. It makes you never just rebuff it like you're too grand to hear what somebody has to say, no matter who they are. You know? And that's the you know, that's just where you learn.

Galaxy Radio. Nouveauté. C'est une nouveauté. Galaxy. Galaxy. Dans le mot je t'aime, trop de M. Et jamais, jamais un seul N. Dans amour toujours, c'est le pour. Ou le contre, c'est souvent la haine. On dévisage, on envisage. Comme une fille que je ne suis pas. Je m'exile, trop fragile. Me robaste el sueño cuando me dormí.

Galaxy. La musique est un message. Une histoire. Alegria de Coyom é curtir o verão.